cours de français. Copyright Clé Internationale 2003. Unité 1, leçon 1. Exercice 1. Voici le verbe. Trouvez le substantif. Exemple. Informer. Une information. À vous. Décrire. Une description. Proposer. Une proposition. Raconter. Un récit. Réclamer. Une réclamation. Définir. Une définition. Lister. Une liste.